Nicolas est un enfant très créatif. Il aime peindre, dessiner, fabriquer. Il ne se trouve pourtant pas vraiment doué. Peu importe, il adore ça. Plus tard, il aimerait d'ailleurs devenir un grand artiste. Mais pour y arriver, il faudrait d'abord qu'il s'améliore. Nicolas a alors une idée. S'introduire en cachette, pendant la nuit, quand les mystères se révèlent, dans le musée à côté de chez lui, pour y découvrir les secrets des artistes. Il se met donc à inspecter le musée et découvre un conduit d'aération dans lequel il pourra se faufiler pour rentrer. Plusieurs fois, tard après l'école, il espionne le gardien de nuit qui surveille le musée lorsque celui-ci est fermé. Nicolas se rend compte que le gardien arrive toujours une heure après que le bâtiment soit fermé. C'est donc le moment parfait pour s'introduire dans le musée. Une fois le plan élaboré, Nicolas passe à l'action. Lampe torche à la main. Il est convaincu d'avoir fait le plus dur. Il ne reste maintenant plus qu'à observer les œuvres pour découvrir leurs secrets et devenir ainsi un grand artiste. Facile, non? Mais il ne sait pas encore que ses secrets sont bien gardés. Nicolas a une heure avant que le gardien ne revienne. Aide-le à résoudre les 9 énigmes avant qu'il ne soit pris au piège. Écris chacun des mots mystères trouvés sur ta feuille à côté du nom de l'artiste correspondant. Tu peux résoudre les énigmes dans l'ordre que tu souhaites. 1, 2, 3, c'est parti !